En Corée, la direction de sériculture et de soierie a exploité des engrais complexes d'aminoacides à grands effets dans la sériculture et la production de légumes et dynamise leur introduction. Ces engrais comportent de l'aminoacide, des matières actives biologiques, des déchets et des sous-produits de verre à soie riche en micro-éléments, ce qui permet de réduire le prix de revient et d'augmenter la production des feuilles de mûrier. On peut les utiliser aussi dans la production de légumes. Pour la haute valeur pratique et l'efficacité économique, ces engrais sont enregistrés à la liste des inventions nationales.